maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau. C'était moche. Et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit 7 et Match. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, 7 et Match, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour cette dernière entre 20 et 21 dans Planet Rap avec 7 et Match. Comment ça va, messieurs? Voilà, on vous entend même plus. Aïe, ça y est, on est. Ça y est, c'est la fin de semaine, vous en pouvez plus. Non, le micro était éteint, c'est non, pas c'est ça. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça va. Ça va mieux? Ça va mieux. On est allé chez le médecin aujourd'hui. Alors, c'est quoi le diagnostic? C'est le bac de fatigue un peu, tranquillement. C'est Paris. La dépression parisienne. La cause, c'est Paris, ouais. C'est Paris, en fait. Mais ça va. Bon, va en plus, vous n'êtes pas de retour à la maison tout de suite, puisque là, vous faites un petit crochet du côté de Lyon. C'est ça. Demain, au Démon d'Or, direct, on enchaîne festival. On joue à 2h du mat, en plus. Ah oui. Donc, on va jouer devant un public bien alcoolisé, je pense. Ça va être bien marrant. Bah, ça peut être très sympa, non? Ah ouais, carrément, ouais, c'est le feu. Donc, loupez pas demain, c'était match du côté de Lyon. Puis festival. On revient dimanche au Move Live Show. Exact. Donc, week-end chargé. Week-end chargé, ouais. Avant de repartir un petit peu et de. Bah, la tournée, on en parlera aussi tout à l'heure. Donc tout va bien pour cette dernière? Super, à fond. Les gens commencent à arriver tranquillement. Oui, mais je pense qu'on peut aussi attaquer quand même, parce qu'on l'a fait chaque soir à la même heure. Avec un petit cosy bang bang, mais il va être léger là. Il va être léger. On le recommencera tout à l'heure. On le refera tout à l'heure. Mais là, okay. Voilà, c'est différentes ambiances. Oh les gens, vous êtes chauds ou quoi ce soir? Oh, vous êtes chauds ce soir ou quoi? Ok, ça fait cozy. Bang bang. Cozy. Bang bang. Cozy. Bang bang. Cozy. Bang bang. Yeah. Et moi, je vous remercie parce que je suis habillé aussi pour. Ouais, exactement. J'étais habillé par Cozy Bang Bang. T-shirt ouais. Exclusif en plus. Tout à fait. Et bah, bienvenue à vous pour cette dernière soirée avec 7 et Match entre 20 et 21. On va se rappeler d'ailleurs un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine. Ah, pas de replay pour l'instant. On l'aura peut-être tout à l'heure d'ici quelques minutes. Ok. Et un replay normalement pour rappeler ce qui se passait durant la semaine. Mais je crois que nous avons un petit problème technique. Bah, on peut le combler par le fait qu'on a sorti un clip aujourd'hui. Ah, il est arrivé le clip. Ça, il est enfin arrivé ce matin. On l'a lancé. Donc voilà, je pense que on peut lancer le gros hashtag, méga gros hashtag. On dirait le Sud. Ouais. Et on demande un max de partage, donc que tous les gens vraiment ils mettent le clip, qu'ils nous tweetent et qu'ils envoient ça à Facebook. Et d'ailleurs, on fait un big up à Richie Beat qui nous qui est a dans rejoint. La place d'ailleurs. Ah, il est là. Nice. Et qui a fait l'instru de On dirait le Sud, donc qui est sorti aujourd'hui, et également de Kush, qu'on va écouter, on va débuter même avec. Ça va bien, Richie, en pleine forme? Ça va, et toi alors? Ça va, c'est comment de bosser avec cet match? Ouais, c'est cool, hein, c'est le Sud. C'est la chance. C'est la chance. Donc très cool, très détendu. C'est un sudiste en vrai, Richie Beat. Parisien, mais ça s'entend. Très lent. Tu entends cet accent qui vient il est fait pour ce Sud. Mais il parlera de. Je pense qu'il parlera de ses projets ensuite. Et bien, on va en parler ce soir, mais là, débutons tout de suite avec Kush, extrait de l'album Cozy Bang Bang. Yeah, my man! Je reste avec elle à tout prix, je la suis partout, je vais la groupie calmer. C'est elle qui m'a bridé, personne résiste à ses charmes. J'avoue qu'elle est possessive, elle me rend mou trop chétif. L'amour, elle s'en bat les couilles, elle veut du papier. Quelle salope quand elle hausse les prix, fallait bien qu'elle monétise. Top, j'ai pris assez de douille, moi qui pense c'est gagné. Fumée, elle m'a vu dans tous mes états, goût végétal, je l'aime démaquillée, la nature. C'est pour mes gars sur au visage pâle. Qui la préfère bonne et mature, Lisa Anne. Depuis je l'ai quitté mon écho, maintenant je me tue au Jaga. Je la fréquentais au lycée, elle me finançait mes quelques achats. J'avais les yeux qui brillaient quand je la voyais, ça fait un Prada. Encore une qui pensait tranquillement s'installer dans ma vie de pacha. Elle est belle. Je l'adore, chimique dans ma tête, elle est la borne. Des pensées saines ou des pensées ternes, je vois mes neurones qui s'évaporent. Elle danse dans le vent, comme la mif, je l'ai dans le sang. Elle fait des miracles, chaleur et mirage, elle m'aide à rester dans le temps. En collant résine, je l'ai croisée en médecine. Je lui souhaite autant de liberté que j'en souhaite à la Palestine. J'aimerais bien qu'elle me laisse tranquille, qu'elle se casse, que je m'émancipe. Et quand elle chope la grosse tête, je la déracine. Dans le fond, c'est la seule, je ne veux vraiment pas la quitter. La flamme pourra toujours se raviver et se réanimer. Son départ laisse toujours une odeur fraîche dans le cendrier. Si elle n'est plus là, c'est le drame, je me remets à teaser. Baby, baby, baby, baby. C'était Match avec nous et l'album Cozy Bang Bang à découvrir entre 20 et 21 sur Skyrock. Ouais. J'ai l'impression que c'est open bar ce soir en fait. C'est comme chaque soir en même temps. Comme chaque soir. Si vous êtes chez vous et que vous écoutez la radio, allumez le stream. Ça va me manquer lundi cette petite coupette. Hein. Ça va me... Mais on va te laisser Sky, Fredo. Ah, c'est sympa. On va te laisser une, deux, trois. De Corsair. Les gars de Tiller débat. L'équipe de Tiller qui est en train d'arriver. Oh là là, ils sont tous en queue ce soir. Bah très bien, donc on va vous présenter un petit peu tout le monde. Ouais. Je voulais aussi juste dire un truc. Merci à ceux qui sont venus à la radio apporter des vêtements, des fringues. Oui, oui, oui. Parce qu'on en a parlé en début de semaine, c'est justement pour tous ceux qu'on appelle les migrants, notamment un campement qui est du côté d'Austerlitz. Donc voilà, sympa. Continuez, n'hésitez pas aussi à nous envoyer. Parce qu'il y a des gens qui voulaient envoyer, j'ai reçu plein de messages et qui vont nous envoyer par la poste aussi. Plein de chaussures, plein de chaussettes. Voilà. Donc je vous rappelle l'adresse, voilà, c'est Skyrock, 37 bis rue Grenetta, 75002 Paris. Et donc, oui, essentiellement chaussures et chaussettes. De chaussettes. Et en tout cas, merci à vous parce que vous avez ramené plein de cadeaux aussi. Ouais, c'était match. C'est cool, hein. Il y a plein de potes à nous qui ont ramené des trucs. Et apparemment, il y a des gens qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais qui sont passés déposer des trucs. Ouais. Donc c'est cool. Donc je remercie. Il y a Tiller aussi qui a participé. Il y a My Man Creeks. Il y a les inconnus qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais merci à eux. Ouais, voilà, tous ceux qui sont passés, et ça continue, je crois qu'à la radio en bas, on a encore récupéré des trucs, donc on ira les apporter rapidement pour carrément ceux qui ont besoin. Juste Elvire, rappelle-moi l'adresse Facebook, c'est quoi? Parce que si. Les migrants de la chapelle en lutte, si vous voulez faire un tour sur cette adresse Facebook, il y a souvent... Pardon ? Ah oui, ils cherchent des traducteurs, donc ils parlent arabe pour justement aller les aider, les accompagner, pour aller sur différentes administrations. Donc voilà, s'il y a des gens qui parlent arabe, allez faire un tour. Les réfugiés de la chapelle en lutte sur l'adresse Facebook, les réfugiés de la chapelle en lutte. Et merci une fois de plus à vous tous d'avoir répondu présent. Avec et merci plaisir au CT Match d'avoir relayé cette info et d'avoir aussi apporté plein de vêtements. Merci à l'équipe de Tiller aussi qui a participé. Bien sûr. Ouais, des chaussettes en veux-tu, en voilà, derrière, tout ce qu'il faut. Il y a du neuf même, on s'est fait plaisir. Comme nous, on n'était pas au courant, on est arrivé de Montpellier les mains vides. Mmh. Évidemment, on est allé à GoSport acheter des gros packs de chaussettes. Ouais, c'est vrai, vous êtes passé chez GoSport et tout, donc c'est voilà. Ça, ouais. Il y a un cœur qui bat derrière. Oh là là, mais oui. Derrière cette image, faut pas s'en vanter non plus. C'est vraiment pas pour se faire briller. Non, on s'en fout. Ou pour se vanter, c'est juste un côté humain. C'est une coïncidence aussi qui a fait que voilà, les gens sont présentés ici au moment de notre Planète Rap. Il fallait forcément qu'on fasse un truc. C'était. Et bien merci. Merci à vous en tout cas. C'était Match. Merci pour eux. Ouais. Salut Ousmane, je crois que j'ai vu dans le coin aussi qui était là. On rappelle. De retour. La sortie du clip, on dirait le sud qui est en ligne. Alors je propose aux gens de partager le clip avec hashtag c'était match. À fond la caisse. Hashtag c'était match sur Skyrock. Hashtag on dirait le sud. Hashtag on dirait le sud. Et surtout, donnez-nous votre avis. Faites-vous plaisir, partagez-moi. Allez, balancez avec le hashtag c'était match sur Skyrock. Exactement. Comme nous sommes aussi vendredi, on va parler un petit peu à venir évidemment avec c'était match. Donc l'avenir, c'est avant tout la scène pour vous, je pense. Hein. C'est beaucoup de scènes. Beaucoup, beaucoup de scènes. On va continuer à défendre cet album. Voilà, beaucoup de scènes, des festivals, une tournée cet automne. qui dépassera sur le printemps, je l'espère. Bah là, on peut déjà annoncer donc les dates. Il y a évidemment du côté de Lyon ce week-end, le 3 juillet aux Eurocaennes de Belfort. Ouais. Le 25 juillet à Ribérac au Festival Le Grand Souk. Le 22 août au Positif Festival de Marseille. Exactement. Le 3 octobre à la Cigale de Paris. C'est la date importante. C'est la date très importante. C'est vraiment un concert événement. Il y aura des invités, il y aura des sons exclusifs. Il y aura, c'est un concert vraiment exclusif. Il y aura des vaisseaux spatiaux, il y aura peut-être Kendrick Lamar. ce sera Kendrick, mais de Clamart en fait. C'est là-bas, Kendrick Lamar. C'est un autre. Non, sans déconner, prenez vos places. Sans faire un bouton. C'est vrai que cette semaine a bien poussé, ça a permis de continuer à vendre des tickets, c'est vraiment cool. Ouais, m'amen. Les gens se mobilisent. Mais dépêchez-vous. Allez-y, ouais, parce que la Cigale, c'est une très jolie salle. Ouais. Mais. Exactement. Qui se remplit très vite. Voilà. Pour ceux qui nous ont vus sur scène, ils savent, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. C'est des matchs. À ce propos, il n'y a pas des gagnants d'hier là. Mais si, m'amène, j'allais venir. Ah oui, parce qu'hier, on a lancé quelque chose aussi encore hier. Ouais. Un hashtag. Hashtag Golden Cozy. Et on a 5 gagnants du coup avec qui j'ai déjà parlé, arrangé le truc. Et donc c'est Julien Denis, Ilona Auger, Hugo Ferrion, Simon Fievez, ou je sais pas trop comment ça se dit, et Maxime. Qui repart encore donné son de famille. Des places, c'est ça pour le. Voilà, le... qui repartent avec 2 places pour la Cigale, un t-shirt de Chiller, que Roms d'ailleurs va leur envoyer. Hein, ma main. Il est là le bro. Et l'album en physique, on va leur envoyer chez eux. C'est plutôt un joli pack. C'est magnifique. Ça continue le Golden. Ça y est, c'est fini. Sympa quand même. Hein. Sympa, ouais. C'est cool. Mais il y a eu plein de photos, plein de tweets hier. On a dû sélectionner. Comment tu as sélectionné Didi? Dis-le nous d'ailleurs. Tu as fait quoi, un tirage au sort? En vrai, que des meufs. Non, je sais pas, j'ai pris l'originalité. Il y a un mec, il avait une photo où on était tous les trois dessus avec lui en train de faire des M. Ouais, parce qu'il faut rappeler, le concept c'était envoyer un M. Donc ça, c'est la base. Il y en avait un, il avait le pull, c'était match. Donc lui, il y en avait un, il avait le t-shirt, c'était match. Ouais, donc voilà, au calme, j'ai pris ceux qui. Ok, t'es un bon. Tu es bon. On va mettre un morceau peut-être. C'est ça. Ouais. C'est On dirait le Sud d'ailleurs. On va remettre On dirait le Sud comme hier pour repousser le clip. Parce qu'hier il y a eu un petit accrochage de Vévo. On ne citera pas. Non, je suis très inquiet par contre. C'est vrai que Factice, je l'entends pas depuis tout à l'heure. Donc j'ai l'impression que ça s'est transmis d'un seul coup. Moi je suis dans le crew. Je suis le gars un peu timide, tu vois, le gars qui parle pas trop. Moi je rappe juste en fait, c'est ça. Ouais. Donc on t'entendra tout à l'heure rapper. Tout à fait. Excellent. Donc oui, ce morceau, il est arrivé, le clip, ça y est, il est enfin dispo. C'est ça, ouais. Donc là, on a besoin de vous, partagez ça en masse. Le clip est très chaud en plus, un gros plan séquence avec des go. Donc et voilà. Et vous continuez à régir aussi avec le hashtag c'était match sur Skyrock. Allez, on balance ce morceau. Yeah, Richie Zer. Bye. My man, MTP, Cozy Bang Bang dans les bacs depuis le 15 juin. Allez choper ça, bro. Oui. Yeah. Rien d'autre que demander de plus. Je l'ai dans le sang, cette ville m'obsède. On fait tout pour esquiver le stud. Le soleil éclaire nos visages. Quelques bangers dans le sillage. Facile de se laisser distraire. Cette bitch m'a fait louper le virage. On reste jeune, ici c'est dur de s'élancer. Le sable est chaud, je ne sais sur quel pied danser. Chiller c'est sacré, ne viens pas nous déranger. Je reste assis devant ton boule, ton déhanché. On vit d'amour, de sexe, de bière, d'eau salée. Tu ne voudras plus repartir, ça on savait. En peu de temps, tu te retrouves condamné. Un peu d'amour, de sexe, de bière, d'eau salée. Moi, pas de sévices, je vis, je rêve, je l'évite. On s'évite quand le soleil touche son zénith. Le temps s'arrête ici, on se laisse vivre, on se perd dans toutes les tentations, l'alcool, les meufs, la résine. Matin, le sudiste, je vis, je rêve, je l'évite. On subit quand le soleil touche son zénith. Le temps s'arrête ici, on se laisse vivre, on se perd.

Et en parallèle, je suis en train de finir ma beat tape qui retrace un peu mon parcours de 2010 à 2015. Donc toutes les prods, ou du moins une partie des prods que t'as réalisé, que t'as fait. Ouais, donc ça part de Olkenry, Sefio, Rof. Très chaud. Voilà, etc. Richie Beats, le nom revient souvent en tout cas, hein, pour ceux qui suivent le rap, ceux qui aiment bien regarder justement dans l'objet, les crédits, qui a fait quel son, machin, etc. Ces derniers temps, ces dernières années. Il a fait parler de lui, le monsieur. Oui, il est très chaud. Et donc là, les projets, c'est quoi? Donc sorti ça pour quoi? Pour la rentrée la plutôt? La beatstape, normalement, elle va sortir le 14 juillet. Oh, la feu d'artifice? Voilà, carrément. Dans le spectacle. Moi je dis on peut ouvrir une bouteille de champagne. Carrément. Bah, allons-y. Là en plus. Ouais, y a de quoi. On va en ouvrir. On a le choix. C'est bon. Donc 14 juillet, ça s'est sorti en digital. Sur Haute Culture. Oh là là. Ah ouais, non mais toi t'es dangereux aussi d'un seul coup. Oh, l'attaque en fourbe. Donc en fait j'ai failli mourir là. Personne n'a été blessé. Mais presque. Ouais, toi t'es... J'ai pris ça sur la... Ouais, c'est bang bang là. C'est bang, c'était plus bang bang que Cozy. Oh, ouais. Et moi très courageusement je m'écarte. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Je me suis dit merde, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Bon, donc ouais, donc on en était au 14 juillet parce qu'on a été dissipé un peu par ce premier feu d'artifice. Le P de Skrilly Boy, Super Stoner 1. Donc c'est quoi, c'est où tu fais les prods, où tu... Je fais les prods, je rappe. Tu rappes aussi dessus, ouais. Je chante, c'est un peu, enfin si je peux me permettre, Richie, c'est un peu R&B avec des influences un peu future beat, R&B, c'est assez moderne. On peut écouter d'ailleurs des choses déjà que t'as faites. Ouais, j'ai sorti un premier EP qui s'appelle Karma, début décembre, il est sur iTunes. Et on cherche quel nom, alors on cherche Karma, Skrilly Boy. Skrilly Boy. Yes. Donc ça c'est ton nom où quand tu chantes, c'est le nom de scène. C'est l'alter ego. C'est là où on voit son visage. C'est ça en fait. Exactement. Yes. Et bon, on ira suivre tout ça. Yes. Ouais, on suit à fond nous en tout cas. Il y a le SoundCloud aussi. Bien sûr, le SoundCloud, Skrilly Boy ou Richie Beats. Voilà. Et vous l'avez remarqué, c'est un mec tellement paisible. Il est cozy. Il aurait dû venir hier en fait. Je suis pas bang bang. Il est cozy. Il fait des prods bang bang, mais il est plutôt cozy. On va voir si tu es capable de te transformer en bang bang. Tu as il y en a 10 minutes. 10 minutes pour ça. Il y en a qui disent la vérité là dans les messages. Factice, c'est bien me faire péter le champagne. Ah, c'est vrai. Oh, ah ouais, ça hate. Il y a une petite asso de Montpellier, une asso humanitaire qui s'appelle AHM. Big up à eux. Et bon, ce qu'on peut faire clairement là, mais on peut parler d'eux. Voilà. Bah, ils ont besoin de bonne volonté, donc voilà. À mon avis, elle est tapée AHM Montpellier ou MTP. Voilà. Et je pense qu'ils auront, ils sauront vous guider en tout cas. Et continue à partager le clip. Et aller choper l'album Cozy Bang Bang, désolé de te couper. Non, non, mais c'est pas bon. Troisième essai. Tu m'as pas sauvé, tu vois. Ah ouais, c'est pas une merde avec ton pote, hein. Et ouais, je sais pas. C'était un pote avant. Bon, voilà, continue à acheter l'album Cozy Bang Bang sur iTunes, à la Fnac. Et là où il se trouve en fait, quoi. Vas-y, va choper ce truc là, continue à partager le clip. Viens nous voir en concert, hashtag on dirait le sud évidemment, et tu partages le clip. Le 3 octobre à la Cigale, prenez vos places très très vite, ça va être très très chaud. Voilà, je peux y aller? Là t'as le droit, Dans un instant on va donc revenir avec cet match. Quel morceau on mettra, messieurs? Là c'est Tête à l'envers. C'est le seul feat de. Ben voilà, ça tombe bien. C'est pas un morceau bang bang. Non. Mais C'est un lendemain de bang bang. C'est après le bang bang. Voilà, ouais. C'est le seul morceau qu'on n'a pas écouté de l'album. C'est une prod de Twins Rack. D'ailleurs, je vous shout out la famille. Il y a Mime aussi qui a bossé dessus. Et c'est le seul feat de l'album avec Dope D.O.D. Un gros groupe hollandais. Ouais, hollandais. Qui eux, ils font de la. Pour l'histoire, vite fait, je raconte ma vie de deux. Mais non, tu as raison, vas-y, c'est important. pour l'histoire, en fait, on leur a... c'est eux qui nous ont tweeté, ils ont kiffé Sunset. Donc, un peu incroyable de leur part. Et on leur a envoyé trois instrus, deux bang bang et une cozy. Et ils ont fait, nous, on veut la cozy, alors qu'eux, ils sont super. Ils sont plutôt bang bang. Ouais, ils sont plutôt très bang bang, mec. Donc, du coup, ça a donné ce morceau que vous allez écouter. Et bon, on va le découvrir dans un instant, ne bougez pas. Tiens, pour répondre, alors, l'association AHM, ils distribuent de la nourriture aux sans-abri du côté de Montpellier. Donc, voilà. Super action. Un beau shout-out, la famille. AHM, allez cliquer, allez faire un tour dessus. Et si vous pouvez leur filer un coup de main, ça fait toujours plaisir. On revient dans un instant, bougez pas. C'était Match, le retour après ça. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit 7 et Match pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap 7 et Match. C'est Set et Match avec nous et l'album Cozy Bang Bang que l'on découvre encore ce soir. Un album qui est dans les bacs, hein, je le rappelle, depuis une bonne semaine. Voilà, une semaine et demie. Cozy Bang Bang qu'on peut aussi télécharger légalement. Ou alors, si vous aimez bien l'objet, allez-y aussi dès demain dans les magasins pour récupérer cet album. Exactement. Yes. Je ne saurais dire mieux. Le hashtag encore, on dirait le Sud, hein, on compte sur vous pour partager le clip en masse. Il est sorti aujourd'hui. Et on en profite. Venez nous suivre sur Instagram, c'était Match MTP. Sur Twitter, c'était Match MTP. Exactement, Gigi. Facebook, exactement. Et on peut en profiter pour présenter un peu Chiller et compagnie et l'équipe et les prochains, la famille. Félix, au microphone. Ouais, bonsoir à tout le monde. Hein. Merci les gars de nous avoir invités. Ah, merci d'avoir trouvé une vanne. Félix Innocent. Oh, pas mal, non ? Concours de jeu de mots. C'est le champagne, frère. Ça, t'es chaud, t'es chaud. Ouais. Moi, je veux deux phases. Non, voilà, en tout cas, gros shout-out à Tiller parce qu'on roule vraiment beaucoup avec eux sur Alors, expliquez-nous un petit peu. Ouais, expliquez-nous. Donc, Tiller, il y a évidemment le côté. Voilà, c'est Tiller, c'est une marque de fringues, une marque de poteau. Qui, Jeff et Alex, Jeff ici présent et Alex qu'on salue, il est à Marrakech, l'enculé. Il se barre en vacances et nous, on travaille. Mais bref, voilà, c'est une histoire de copains. Donc, cet match, ça a été une histoire aussi de potes, en fait, d'abord. On s'est rencontrés, il y a un feeling qui est passé. Grave, et puis voilà, on soutient depuis le début, quoi. On s'est rencontrés un dimanche matin à 10h. Ils m'ont réveillé pour en faisant du sport, non ? Non, ils m'ont réveillé pour faire un freestyle dans la boutique et peindre un mur dans la boutique. Ah ouais, c'est vrai. Un dimanche matin. Les mecs qui mental le dessus disent, c'est les mecs. J'avais dormi dans la boutique pour leur ouvrir le matin. Ah non. Mais pourquoi d'un seul coup à 10h du matin ? Non, mais attends, ils nous avaient dit, Tiller, c'est tout le temps ouvert, tous les jours, nanana. Et là, attends, parce que on peut balancer c'est grâce à Combini. C'est grâce à Combini, c'est vrai aussi. Et quand on est arrivé dimanche, on avait dormi dans Tiller. Et donc, Tiller, c'est aussi donc une adresse sur Paris pour l'instant. Exactement, 11 rue d'Alexandrie, c'est le magasin. Ça. Après, tu peux nous retrouver un petit peu partout en France. On a une centaine de magasins en France, donc on est un peu partout, les gars. Où vous nous écoutez, vous nous appelez à la boutique et nous, on vous dit où il y a un magasin où nous trouver. Le site internet. Donc, site internet www.tiller.fr. Et sinon Facebook aussi, on est très suivi sur Facebook, Instagram aussi, We Are Tiller, Facebook Tiller, enfin voilà, tu nous suis. Les choses. On fait des fringues, on fait des reçois et puis voilà quoi. Mais bon, là on est venu pour parler pour les frérots de MTP. Parce que c'est les bros. Lourd m'amène grave. Voilà, c'est des gens avec qui on partage beaucoup de choses. Ils nous ont invités aussi en première partie de leur concert qu'ils avaient fait au Nouveau Cas. Et voilà, donc c'est un échange de, tu vois, de sympathie et d'amour. Il n'y a que de l'amour là-dedans, ma gueule. C'est bien. Exactement. Voilà. Cozy, bang bang. On peut mieux résumer. Et il n'y avait pas d'ailleurs une toile. Si, un objet à montrer. Attention, ça, c'est la mine. Puisqu'il y a quelques minutes, on parlait d'aller dessiner dans la boutique de Tiller. Ça, c'est une rencontre qu'on a faite hier soir avec le monsieur qui est là-bas, monsieur Lamine, qui tient un shop de tatou, plutôt à côté de Tiller, tout à fait. Et grâce à Tiller, on s'est connecté, il nous a fait ce petit cadeau, une affiche. C'est beau, hein. Ouais, c'est très très beau. C'est pas on dirait une affiche de film. Ouais, exactement. C'est notre prochain film d'ailleurs. Ouais. Ça va être Cozy Bang Bang. Donc nous la mettons en vente pour l'instant. Les enchères sont ouvertes. 1 000 $. Gros merci, maman. On accepte que les dollars. Une offre à 5 000 là. Ah, ouais. Ça, on accepte que les dollars. 6 000, ça monte. 7 000. Oh là là. Oh là là. Ouais, je vois pas, moi. Haters. C'est Skyrock, on avait promis aussi un morceau juste avant. On balance. Ouais. Mais il y a aussi, il faut présenter, faut pas oublier de présenter monsieur Benny LeBrony. Viens là, maman. Alors, c'est quoi ? Je propose qu'on mette le morceau et on présente juste après. Okay. C'est ton émission. Comme ça, il s'installe tranquillement. Comme ça, il s'installe tranquillement et on peut balancer le morceau. Tête à l'envers, tête à l'envers. D.O.D. Voilà, allez, c'est parti. Qui se réveillent et qui ont mal au crâne. Exactement. En tout cas, gros shout out à Tiller. Je pense que ce morceau leur va bien. Tête à l'envers, bro. Cozy Bang Bang dans les bacs depuis le 15 juin. I'm gonna get high even more. Je ne me rappelle plus bien. Encore cette gueule de bois. Aucun de nous ne s'en souvient. Et merde, je ne me rappelle vraiment plus bien. Encore cette gueule de bois. Aucun de nous ne s'en souvient. Et merde, je ne me rappelle plus bien. Sale tête, j'pue des pieds. Un véritable casse-tête, je ne retrouve plus mes clés. Souvenir fou, j'aperçois juste une salle remplie de monde. Ma chemise crade et mes baskets sales en disent long. Soirée dingue, fumée, boire des peintes, finir saoulé. Le cerveau brûlé, ça m'étonne pas qu'il soit éteint. Je passe mon temps à chercher, chercher. Il aurait pu t'empercher, mais je ne me rappelle plus rien. Oh, tête à l'envers, poteau, ça sent la tise, la clope, poteau, ça sent la merde. Où suis-je, putain, plongé dans une sale affaire. Évidemment, je me dis que cette soirée, ben fallait pas la faire. Je titube, tout taciturne, je ne trouve pas d'issue, non. L'habitude me manipule, mais j'en prends l'habitude. Mon téléphone est chargé de messages, putain de dégâts, j'aurais dû rester sage. Mon cerveau aussi a besoin de ménage. Tête à l'envers. We got a perfect match, let's set it off and clap the niggas. O-D-O-D up in the building, know what happened, niggas. I straight black the fuck, yeah, we smoking hash with niggas. Take a double dip of Molly acid, now I'm laughing with ya. I'm on another planet, let me snap a picture. My mind is lifted off them swishes and a pack of liquor. Go figure, no jigger, I'm a nasty nigga. Nasty crashing on your fucking mattress, a passive nigga. Je ne me rappelle plus rien. Encore cette gueule de bois. Aucun de nous ne s'en souvient. Et merde, je ne me rappelle vraiment plus rien. Encore cette gueule de bois. Aucun de nous ne s'en souvient. Et merde. I'm up on the balcony, no lone ranger. Tap that again, yup, that's a no-brainer. And she's famous, don't remember what her name is. Like entertainers, I'm staring at her brainless. Rolling over one, wait for the upcoming sun. You don't feel alive if you ain't having fun. Keeps on saying, Dopey, you're my number one. I know where I'm going, ghost towns where I'm from. J'ai la tête à l'envers, 180 tu vois le degré. Mais au ciel et terre, un mal de crâne à vouloir crever. Aucun souvenir, même pas d'elle à mes côtés, allongé. Je vois mon latex, mon pare-balles, car on sait plus. Enfin je crois vu qu'hier j'étais dans un sale état. Rêve réel, alcoolisé, j'ai l'esprit malléable. Comme tous ces lendemains, je me dis qu'il fallait pas boire ce dernier verre, le dernier après que ça dérape. See I'm floating on the cloud, scoping at the crowd. We high up in the sky, kids smoking is allowed. This is not a battle rhyme, this is hella mellow time. Spaghetti body parts swinging from a cello spine. We in the elevator levitating towards elevation. A psychedelic celebration. You want that sugar rush, I got the candy you be craving. Bathing in the sunrise, sunlight. Spaces, spaces, spaces, spaces. T'es à l'envers. Spaces, spaces, spaces. T'es à l'envers. T'es à l'envers. T'es à l'envers. Je ne me rappelle plus bien. Encore cette gueule de bois. Aucun de nous ne s'en souvient. Et merde, je ne me rappelle vraiment plus bien. Encore cette gueule de bois. Aucun de nous ne s'en souvient. Et merde, je ne me rappelle plus bien. C'est le Planète Rap avec 7 et match, Cozy ouais. Bang Bang. C'est bien ça. C'était le morceau Tête à l'envers. Tête à l'envers. Dope D.O.D. produit par Twinstrack. C'est ça, les lendemains voilà. De soirée qui font mal au crâne. Ah, ça qui font fait... bien mal au crâne, Tête à l'envers. Voilà. On connaît. Et donc juste avant de balancer le morceau, vous vouliez présenter aussi quelqu'un qui est avec nous ce soir dans le studio. Un poteau, voilà. Benny le Brony. Bonsoir, ça va bien. En forme ? Ouais, ça va. Bienvenue, Benny le Brony. Benny le Brony. Le Brony. Benny le Brony, B-E-N-Y, le Brony, I-E-S à la fin. Ok, bah pour aller cliquer, je suppose, pour aller récupérer du son de toi aussi, c'est ça ? Bien sûr, je sors un nouveau projet le 29 juin qui s'appelle En route vers Dora. D'ailleurs, j'ai sorti un dernier clip qui s'appelle Le Seigneur des Dogtown. Ah. Il y a même pas mal de clips qui sont sortis là. Voilà, j'ai sorti 4 clips en un mois. Les ah oui, le mec est chaud. Le mec est très chaud. Et cet homme fait aussi des instrus. Ouais, voilà. Bien sûr. Voilà. On a une petite pépite d'ailleurs de lui. Voilà. Il nous a envoyé une petite pépite pour le prochain projet. Pour le prochain projet. Ouais, ça y est, vous avez déjà mis une option dessus, ça y est. Elle est sur l'ordi là, elle nous attend au show. C'est optionné direct. C'est ça. Il a de bonnes influences, c'est assez nouveau, c'est spé à la fois. Et donc les connexions, vous. On a fait des scènes ensemble. C'est ça. Au Glazer, c'est ça. Au Glazer. Au Glazer et à Dijon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ben on se connaît parce que tout le monde connaît tout le monde virtuellement parlant. Mais après on s'est rencontrés, on a vu. Et après faut que ça accroche parce que ouais, voilà c'est ça, c'est que humainement s'il est là, je suppose que ça a accroché. Ah ouais, ouais, sinon c'est mort. D'ailleurs merci à eux, merci à vous les gars. Avec plaisir. Ah, pas de soucis. Merci aussi à Tiller. Ah, ils sont là l'équipe, ils sont là. Ils sont partout, tu vois. Et bon, on retrouvera le live dans un instant, bougez pas sur Skyrock, juste avant freestyle par téléphone avec Apollo de Macron. Voilà, salut Apollo. N'hésitez pas à bénir le Bruni. Benny le Bruni. Je voulais faire une petite dédicace justement aussi à l'équipe de Corps et Âme. Parce que si on fait péter du champagne depuis le début de la semaine, c'est pas. Il est là, il est en train de bailler. Ce n'est pas juste pour se la péter en fait. Si il on est fait fatigué ça. Après la semaine, il en peut plus. Il va venir expliquer, mais en gros. Viens, bro, viens. Voilà, bro. Si on éclate du champagne, c'est pas juste pour se la raconter. C'est aussi parce que c'est la queumard de poteau, ils viennent de Reims. Ils font du vrai champagne avec une vraie mentalité c'est derrière. C'est champagne hip-hop, c'est ça qui est fou. C'est champagne hip-hop en fait. Les bouteilles ont une petite tenue. Ouais, un petit hoodie à capuche. Enfin, il va expliquer. Star Lyon, ma mère. Ouais, c'est dealer. Dealer. Non, ouais, ouais. Trop chaud le mec. Le délire, c'était de. Enfin voilà, la culture hip-hop, moi, c'est un truc qui a marqué ma vie. J'ai commencé par le break, j'ai fait 15 ans de break. J'ai été éduqué par des mecs comme Akhenaton, Oxmo Puccino, tu vois, ça a bercé vraiment mon enfance. Et puis arrivé un moment, je me suis retrouvé dans une région où voilà, le produit phare. La bicrave, mon frère. Bibi. Et puis voilà, il y a des mecs qui ont compris, ils ont compris notre concept en fait. On voulait marquer une génération, on voulait pas simplement faire du business pour du business. La plupart du temps, les mecs ils boivent un truc, enfin voilà, c'est de la merde. Là, c'est un vrai produit, c'est élaboré par une grande marque de champagne qui est Henri Giraud. Et voilà, nous on valide le truc, on valide la démarche. Puis voilà, ça va être. Forcément partout. Et bah donc allez faire un tour, il y a un site, je suppose. Ouais, internet, il y a un site, Corps et Âme Champagne, voilà, allez triper quoi. Et je rappelle avec modération évidemment, triper tous avec modération. Ouais. Il y a 5 bouteilles très modérées sur la table. Très très modérées puisqu'on est 40 dans le studio. Voilà, et qu'il y en a 10 qui boivent, donc ça va. Je vais dire moi. Bon allez, freestyle avec Apollo de Macon, salut Apollo. Salut à tous. En pleine forme? En pleine forme. Excuse-moi avant de te couper, je voulais juste passer le bonjour à cet match de la part de Strip de Macon. Yeah, my girl. Qui avait fait leur première partie le 27 mars, je sais pas ouais, si moi je m'en rappelle. Ouais, je m'en rappelle, bien sûr. Ouais. J'étais là les gars, c'était lourd. Chambier, frangin, lourd, c'est bien. Et bon, on va t'écouter aussi, toi. Sois lourd maintenant, Apollo. Et tu repars aussi avec la tablette Samsung Galaxy Tab à l'occasion de la sortie du film Poltergeist qui est sorti mercredi dernier. Ah, c'est gentil. Allez, c'est chaud, on t'écoute, ça. Apollo. C'est des bails. Ok. Apollo, je débarque en feu comme une fusée. Ouais, le 7-1, ma conscience. Ok. Celle-là, c'est pour Kai, MHB, SKRIB, Stratège, Crapule. Ouais, tous les petits Schumann et tous mes potes de Macon. Ce monde fout les jetons, on n'est plus en sécurité. On ne sait pas sur quoi nous misons chaque nouvelle journée. A new day, a new job, mais toujours la même routine. Dans la peau d'un incarcéré, comment avoir bonne mine? Je fais mine de rien, mais sache que je n'en pense pas moins. Je me fais petit, je ne veux pas finir loin des miens. Maintes et maintes fois, j'ai essayé sans y arriver. Maintenant, je me rends compte de la vie que je dois mener. Y croire dur comme du fer quand ça vient d'une langue de bois. C'est comme vouloir détruire un mur avec un seul doigt. Ne compter que sur soi-même pour éviter les déceptions. Ne rien devoir à personne et mieux après réflexion. Le Tout-Puissant est là et s'il veut, il m'aidera. Donc je finis chacune de mes phrases par Inch'Allah. Je regarde pas le ciel pour me mettre à rêver du paradis. Je demande pardon à Dieu, c'est vers l'est que je me repentis. Yes. Voilà. Merci à tous. Merci à toi, Apollo. Une petite dédicace s'il vous plaît. Vas-y, on t'écoute Apollo. Petite dédicace à deux Amine également, l'étude de ma ville. Petite dédicace à tous les petits Schumann, le collège du travail, la caserne de Macon, tous mes potes de Macon. Et pour tous ceux qui veulent aller voir, vous tapez Apollo Premier Contact sur YouTube, vous me trouverez. Apollo Premier Contact, merci à toi d'avoir été avec nous dans l'émission. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant, messieurs? Ouais. Bah ouais. Est-ce qu'on peut attaquer le live parce qu'il est déjà 9h-20? Moi, je veux dire un truc, c'est un live bang bang. Donc ah ouais, il faut que ce soit bang bang. Derrière, là, c'est pas quand masse. Ouais, non, c'est pas les là, bras c'est bang bang là. Il faut que ça s'enjaille. Et je voudrais savoir si les gens derrière nous sont chauds ou pas. Bah ouais, bah. Alors, c'est toujours deux fois, c'est toujours deux fois. Ouais. Vous êtes chaud ou quoi? Ouais. Ça marche au deuxième coup. Bah, toujours, ouais. Comme ça. Allez, c'est parti. Envoie ça, ma man. Shout out à Richie Zer, ma man. Tiller Gang aussi. Yeah. Mets du son, hein, Keda. On n'entend pas la prod, ma man. Ouais, la prod, elle est bizarre. Pour moi, ça, ma man. Monte un petit peu de master. Yeah. Yeah. On n'entend pas la prod au casque. Hey yo, Jeff. Yes. Envoie la queue. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Alors attends, on va couper parce que là, il y a un problème. Là, nous avons un petit problème de connexion avec, avec les platines. Donc on va régler ça tout de suite. C'est forcément la soirée Bang Bang. Il y a toujours un truc comme ça qui fait que... Donc on va régler ça tout de suite. Et dans un instant on va retrouver le live de cet match. Sur ce qui est recrutant, peut-être de rappeler 2-3 choses. Que l'album évidemment est dans les bacs. Que la tournée aussi continue pour cet match. D'ailleurs ce week-end vous êtes du côté de Lyon pour le festival Démon d'or à pas louper. 3 juillet, c'est Belfort aux Eurocaennes de Belfort. Le 25 juillet, à Ribérac, au festival Le Grand Souk. Le 22 août, à Marseille, au Positif Festival. Le 3 octobre, à la Cigale de Paris. La Cigale, ma mère. Et le clip aussi, hashtag on dirait le sud, qui est sorti. Et qui est sorti et qu'on peut aller mater. D'ailleurs, si vous l'avez vu, dites-nous un petit peu. Balancez des messages avec le hashtag. Toujours pas. C'était match. Est-ce qu'on a quelque chose? Alors, renvoyez un petit peu de son juste qu'on puisse tester. C'est bien, ces émissions, on fait tout. Ah bah voilà. Si, c'est bon. C'est pareil. C'est parti, on y va. Ah. Hey yo, Jeff. Envoie la queue. Y'a pas mal. Belle, elle est bien faite, vraiment bien roulée et bien ferme. Rien acheté de la tête au cul, il nous manque plus que l'étincelle. Je la regarde, lui fais les yeux doux, je l'aime même si elle passe par toutes les chebous. Voilà ce qui m'éclate, je les aime grasse et relou. Je la connais depuis tout petit, la loi m'a taronné les toubibs voulait m'obliger à la quitter, l'histoire est inarrêtable. Je reste avec elle à tout prix, je la suis partout, je fais la groupie calmée. C'est elle qui m'a bridé, personne résiste à ses charmes. J'avoue qu'elle est possessive, elle me rend mou. Trop chétive. L'amour elle s'en bat les couilles. Elle veut du papier. Quelle salope quand elle hausse les prix. Vas-y, arrête. Bon, ça devait avoir l'air un petit peu à cappella. Ouais, j'avoue. C'est la soirée bang bang en soirée fait. Bang bang, ouais. Mais que se passe-t-il? Ça a été bien réglé avant en tout cas, sympa. Ouais. cette histoire. Bon, on va peut-être mettre un petit morceau en attendant, voir si on peut régler peut deux, mettre... trois choses pendant ce temps-là. Éventuellement, on peut mettre silence. Allez, un petit morceau silence. C'est prévu. Je fais 12 mesures de gars qui gueulent tout seul quand même. Ouais, t'as fait un petit taca pour calme. Un petit taca bien interprété, frère, c'est lourd. Ouais, c'était bien, c'était très bien. Allez, c'est parti, silence et on essaie de revenir après. C'est un match. Si jamais je crève, si jamais je laisse, tout derrière moi, je vous laisserai un souvenir, un parcours qu'on respecte. Loin des excès, j'ai grand besoin de refaire. Loin de vous, loin de tout, mon négro, je demande juste qu'on me laisse faire. Je suis la mienne et on pourra dire. Je veux pas être de ce qu'on shoot. Négro, négro, je recherche juste mon second souffle. Besoin de silence, besoin qu'on me foute de la paix. La rue me démange, les gens se poussent et me dérangent. Tête dans le cirage, impression d'être soulagé. Je laisse la weed faire, je ferme les yeux, tombe en arrière. Je ne veux du mal à personne. De compte en à personne. Seul dans mon trip face au tube cathodique, je défie le diable en personne. Faut que j'hiberne jusqu'au printemps. Je médite, je me remémore les tripes de mes 20 ans. Loin du ciment, je pense à mon crew, mon équipe, je suis libre sans équipement. Je suis soulagé, tu es découragé. Et si je taffe dur, si je t'assure, toute l'année. Esprit foudroyé, jamais soudoyé. que la weed m'entraîne avant que je devienne fou allié. La tête ailleurs, immobile, le regard dans le vide, dans le mille. Mon esprit fuit, se relaxe tranquille, juste un instant. Loin des autres, des mauvais présages m'échappent. C'est bon. La suite de ce morceau, vous le retrouverez sur l'album. Exactement. Mais comme il nous reste que quelques minutes, j'aimerais qu'on profite un petit peu de vous en live pour cette dernière. Ouais. On est promis la soirée cosy. C'est bang bang. C'était match prêt. Ouais, ma man. Allez, c'est parti. Voilà. C'est ça qu'on a. Hey yo, ma man, Jeff. Envoie-moi cette putain de queue. Bien roulé et bien ferme, rien acheté de la tête au cul, il nous manque plus que l'étincelle. Je la regarde, lui fais les yeux doux, je l'aime même si elle passe par tous les cheveux. Voilà ce qui m'éclate. Je les aime grâce et relou. Je la connais depuis tout petit. La loi m'a taronné les tout bipoulets. M'oblige à la quitter, l'histoire est inarrêtable. Je reste avec elle à tout prix, je la suis partout, je fais la groupie calmer. C'est elle qui m'a bridé, personne résiste à ses charmes. J'avoue qu'elle est possessive, elle me rend mou, crochetille. L'amour est sans pas des couilles, elle veut du papier. Quelle salope quand elle ose tes prix, fallait bien qu'elle monétise. Stop, j'ai pris assez de douilles, moi qui pensais gagner. Hey yo, quoi de neuf Skyrock, bande d'enfoirés. Amen, je veux vous entendre. J'ai dû la quitter, Elle m'a retourné le vaussaire. J'aime la voir se déshabiller, Je ressens sa présence dans nos concerts. Elle m'a tué, elle m'a eu, c'est elle qui m'a fumé, elle m'a vu. Tous mes états couvés, j'éteins, je l'aime de maquiller. Je l'aime nature, c'est pour mes gars sur au visage pâle. Qui la préfère bonne et mature, Lisa Anne. Depuis je l'ai quitté mon négro, maintenant je me tue au jaga. Je la fréquentais au lycée, elle me finançait mes quelques achats. J'avais les yeux qui brillaient quand je la voyais saper en Prada. Encore une qui passait tranquillement s'installer dans ma vie de brochure. Elle est belle. Elle est belle. Bien taillée. Elle est douce. Elle est belle et je l'adore. Chimique dans ma tête, elle est l'arbor. Des pensées cernes ou des pensées ternes. Je vois mes neurones qui s'évaporent. Elle danse dans le vent, comme la mif gelée dans le sang. Elle fait des miracles, chaleur et mirage. Elle m'aide à rester dans le temps. En coulant en résine, je l'ai croisée en médecine. Je lui souhaite autant liberté que j'en souhaite à la Palestine. J'aimerais bien qu'elle me laisse tranquille, qu'elle se casse, que je m'émancipe. Et quand elle chope la grosse tête, je la déracine. Dans le fond, c'est la seule, je ne veux vraiment pas la quitter. La flamme pourra toujours se raviver et se réanimer. Son départ laisse toujours une odeur fraîche dans le cendrier. Si elle n'est plus là, c'est le drame, je me remets à teaser. Baby, faites du bruit. Cosy Bang Bang, ma man. Album, premier album. Killer Gang. Killer Gang. Shout out Richie B. Killer Gang. Y'a un gimmick qui arrive, je crois, direct. Killer Gang. Hey yo, vous connaissez le gimmick. C'est la soirée bang bang. Le gimmick est très très simple. Ça sert à rien de le compliquer. Vous êtes chaud ou quoi? Cozy cozy bang bang. Cozy cozy. Cozy cozy. Cozy cozy. Cozy cozy. Bang bang. Cozy cozy. Bang bang. Ok. Bang bang. Cozy cozy. Bang bang. Bang bang. Cozy cozy. Bang bang. Je vous entends pas. Cozy cozy. Cozy cozy. Cozy cozy, cozy cozy, cozy cozy, bang bang, cozy cozy, cozy cozy, bang bang, cozy cozy, cozy cozy, bang bang, cozy cozy. Et on va terminer sur ce foutu morceau, ma man. C'était pas une bonne idée de nous inviter, bro. Monte le son, ma man, à Kedah. On m'avait dit non, mais on va s'ambiancer. Bouteille de... Je pensais que ça valait le coup, qu'on ferait péter le champagne, qu'il n'y aurait pas d'imprévu. Hey, hey. Je pensais que j'arrivais avec 2-3 potes, sans mes potes et mes potes, genre t'inquiète famille. Tu nous croyais petits joueurs, car la beuh ça cogne, oublie les jeux d'alcool, j'en perds la tête la mie. Tu pensais que j'allais taper la soirée gentiment, pépère dans le building, dans le bâtiment, t'aurais dû quadriller le secteur. Sache qu'on fait tout des erreurs. Fallait pas ma vitesse. Tu m'invites, c'est à tes risques et périls, boy. Si on débarque, c'est pour calciner tes livres, hein. Ouvrir ton frigo et piller tes vivres. On vient d'arriver, t'es mal barré, c'est pas ciné, c'est real. Jetons ta piole et je vais enfiler tes kicks, yeah. Piquer tes sapes, en faire profiter l'équipe, hein. Quand j'ai bu, je deviens psychédélique, c'est irréversible. Deux choses pour me stopper, juste de la weed et des filles. Tu vas me les filer, évite, ou je vais me lancer des défis. Genre, foutre la merde, coup de bite, des fils électriques. Draguer ta gonzesse, lui gifler ses belles fesses. Gazer la concierge, lui piquer ses clés de caisse, hein. Ramener des meufs qui tape la drogue dure, foutre le son à fond, appeler les keufs pour ta page nocturne. Toi qui pensais qu'on était les bienvenus, moi qui pensais qu'on t'avait prévenu. Mais fallait pas m'inviter. Yeah, ma man. Yeah, cozy bang bang. Cozy bang bang. Yeah, fallait pas m'inviter. C'est la gang. Ah bon. Aïe, grâce à ma man. Fallait pas m'inviter. J'ai les mains vides, j'm'enchaîne verre sur verre. La tête dans les nuages, les pieds sur terre, on est sous. Je me bagarre, drague ta meuf, joue les séducteurs. Mais mon chéri, tout ça c'est que du bluff, enlève tout. Elle joue la frigide, donc j'appelle la bitchine. Aime des verres, surprise, baignade dans la surprise. J'aime l'odeur du bordel, négro, je suis inspiré. Je te dis à la prochaine, fallait pas m'inviter. Hey yo Skyrock, je veux tous qu'on s'approche, on s'approche tous autour de la table. Je veux entendre le plus gros, fallait pas m'inviter, que tout Paname est connu m'amène. Right? On va donner ce feu ensemble. Cozy Bang Bang, le premier album, c'était match. C'est que le début, bro. Yeah. Tu pensais que ça valait le coup, qu'on ferait péter le champagne, qu'il n'y aurait pas d'imprévu. Hey, hey. Je pensais que j'arrivais avec 2-3 potes, sans les potes et mes potes, genre t'inquiète famille. Tu nous penses petits joueurs, car la beuh ça cogne, oublie les jeux d'accord, j'en perds la tête ma mie. Tu pensais que j'allais taper la soirée gentiment, pépère dans le building, dans le bâtiment, t'aurais dû quadriller le secteur, sache qu'on fait tout des erreurs. Fallait pas m'inviter. Ça c'est le bail. Cozy bang bang. Ça part de là. Ça dit quoi? Fallait pas m'inviter. Gros big up à tout le monde, à tous les invités de toute la semaine, c'était vraiment très très chaud. Le hall à la barre. Le hall à la barre, entre autres, et plein d'autres. Exactement. Merci à Fred pour l'invite, c'était vraiment chaud. Merci. Fallait vraiment vous inviter les gars. Hein. Yes, ouais. Merci. Merci en tout cas pour la semaine. C'était vraiment lourd. On peut refaire un tous dernier, fallait pas l'inviter, comme ça on te laisse pas tout seul en galère. Une fois de plus, c'est la fin du track en fait. Ouais, je sais, mais qu'on en fasse un gros massif. Ok. Ou un cozy bang bang comme vous voulez. Un cozy bang bang c'est mieux. Avec tout le monde autour, je pense que ça peut le faire. Vous êtes prêts ou quoi? Et ça fait cozy cozy. Bang bang. Cozy cozy. Bang bang. Cozy cozy. Bang bang. Cozy cozy. Bang bang. Yeah. Yeah, bravo, merci à vous pour cette match, pour cette semaine. Très belle semaine avec vous, en tout cas merci vraiment. Merci Fred. On rappelle que l'album est évidemment dans les bacs, il s'appelle Cozy Bang Bang, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Ouais. Et merci à toute l'équipe de Tiller qui est passée, Richie Beats qui était là avec nous. Ouais. Benny le Brownie qui était là avec nous aussi. Hein, Corzéam. Ils nous ont arrosé toute la semaine. Une petite avec minute, modération. Il y a une petite minute pour shout out un peu. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vas-y. Ah, et bon, on retrouve D-Fool, la radio libre. Alors, shout-out à tous les beatmakers de l'album, Fat Abstract, Richie Beats, Too, D-Tweezer, les Whiskey Lane, Dev Lux, iClassified, Twinstrack, Mime aussi, car il a fait un gros taf pour le mix sur l'album, Atmo Live aussi avec Oriana, gros big up, on est ensemble. Hey, et tout MTP, tous les gens qui nous supportent, en tout cas c'est notre premier album, c'est que le début, et merci Skyrock pour l'invite, le Planet Rap c'était vraiment cool, et voilà. Hein. Eh ben, merci à vous en tout cas. En parlant d'MTP, je fais un shout-out pour les invités qui ont sorti un album qui s'appelle Les 5 étoiles, shout-out à eux. Voilà. That's it. Merci au 7 et match, merci à tout le monde. Merci, merci à tous ceux qui sont mobilisés. Tiens, et Diffoul qu'on va retrouver aussi qui nous a apporté des chaussettes. Ah. J'espère que ce n'est pas celle de Romano. C'est Cédric. Les siennes. Non, non, elles sont propres. Je les ai reniflées justement. Ah ouais, c'est cool. Un bon petit sac rempli de vêtements aussi. Merci Diffoul. De rien, ça fait plaisir parce que tout le monde parle des migrants comme, voilà, si, c'était, comme si c'était un problème. C'est des gens qui ont des problèmes et donc je trouve que c'était bien ce que vous avez fait cette semaine. Donc voilà. Je ferme la parenthèse sérieuse. Non, après, mais on va ça délirer. Fait plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est sympa. Et nous irons les remettre. C'est à eux parce que c'est des gens qui galèrent et voilà. Ouais. Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup les gars. De rien. Bah ouais, t'as raison. Ça va, hein. Tout va bien. Elles sont propres. Hein. Oui, oui, je suis en train de regarder. Ah. Marie, tu veux pas donner ce que t'as sur toi? Je n'ai ni chaussettes ni chaussures. Tu peux donner ta jupe, ton string. Non, j'ai me retrouver à poil pour la soirée, tu vois. Vous buvez du champagne un peu ou pas, Marie? Ouais. Ah bah là, que ça. Quelle question. Ah merci. Ah bah ça va être bien la soirée. Merci les gars. Elle est contente, Marie. Dommage qu'il s'arrête ce planète rap. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Tu es déjà ivre. C'est ouf. Vous reviendrez bientôt. Bah oui, ils vont revenir bientôt. Très bien, c'était demain. Match de Montpellier. Demain. Vous avez découvert. Pas sûr qu'il y ait grand monde demain, mais en tout cas, Fredo, je suis pas sûr qu'il soit dans le coin. Mais on les retrouvera en tout cas, c'était match. Oui, c'était match, c'était dans Planète Rap toute la semaine. Yes. Ouais. On vous envoie les bouteilles alors. Hein. Allez, c'est parti. Fredo, semaine prochaine dans Planète Rap, parce que Planète Rap continue. DJ Case qui viendra avec toute l'équipe de Paris, Oran, New York, à découvrir DJ Case qu'on retrouve aussi dimanche soir, tiens, juste après toi. Et avec toi. Pour Rail Suprême, ouais, entre minuit et 1h du mat, et bien on va découvrir aussi le projet de DJ Case. Rail Suprême, gros stuff tous les dimanches soirs. Ouais, à pas louper. À pas louper, c'est mixé par DJ Case, c'est sur Skyrock et seulement sur Skyrock évidemment. Juste après la radio libre, la spéciale de la radio libre. Ouais. Yes. Bon, ben c'est parti pour nous, on y va dans un instant, on est prêt. Je vois que Cédric est en train de s'installer. Bonjour ouais, Cédric. Ouais, ouais. Bonsoir tout le monde. Bonjour Karim, il est déjà au téléphone avec vous, Karim. C'est bien, sérieux, Samy est en face. Yes. Ouais. Romano se déguise en Pamela, Marie est là. Et... il va être mignonne, tiens encore. Ah bah tu vas voir, ça va être chaud ce soir. Ouais. Vous avez bien vous éclaté, vous avez rencontré Pamela peut-être les gars. C'est vendredi ici. Ah ouais. Si vous croisez une femme, une femme à barbe. Qui a envie de rentrer à Montpellier accompagnée. Qui est Pamela? La belle, la douce. C'est ça le problème. Mmh, donc plein de choses à faire ce soir. On vous attend dès maintenant 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil. Vous débarquez ici en direct sur Skyrock. Profitez-en en direct puisqu'il est 20h57. On met un tout petit peu de pub très très vite et on revient juste derrière. Et tout à l'heure, la nocturne, Fredo, on n'en a pas parlé. Oui, mais c'est nocturne, à minuit, nocturne avec un garçon qui nous vient de Grigny qui s'appelle Juicy P et toute son équipe. C'est tout à l'heure. Juicy P à minuit à découvrir 100% à français ce vendredi soir juste après la radio libre. Yes. Salut Fredo, yes. Salut c'était match. Salut les gars. Ciao. Et on arrive tout de suite. Radio libre sur Skyrock, on y va.